What is it? Qu'est-ce que c'est? About the minimum level of the anointing of the Holy Spirit. À propos du niveau minimum d'onction du Saint-Esprit. That characterizes. Qui caractérise. The five foolish virgins. Les cinq vierges folles. Even as the Lord was speaking to this church, the current church. Même que le Seigneur était en train de parler à cette église, l'église courante. What is it? Qu'est-ce que c'est? That was harmful to them. Qui était nuisible pour eux. That made them not enter into the rapture. Qui les empêchait d'entrer dans l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Look at this somebody. Regardez à ça, vous qui écoutez. The Lord is saying. Le Seigneur est en train de dire. That spiritual childhood. Que cet état d'enfance spirituelle. Which comes from operating in only the basic level. Qui vient du fait de fonctionner seulement dans le niveau de base of the anointing. De l'onction. Alléluia. Alléluia. That spiritual level, ce niveau spirituel which is so small, qui est si petit cannot withstand storms, ne peut pas résister à la tempête. And it leads to compromising the Christian walk. Et à la fin, qui compromet la marche chrétienne. Alléluia. Alléluia. That's why. C'est pourquoi. It is hazardous. It is dangerous. Et c'est hazardeux. C'est dangereux. To the lives of the five foolish virgins. Pour la vie des cinq vierges folles. Because it will not permit them to enter the kingdom of God. Parce que ça ne leur permettra pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Is somebody following me here? Est-ce que quelqu'un me suit ici? It is dangerous to them to the extent. C'est dangereux pour elles dans la mesure that it makes them be comfortable. Que ça les rend confortables. As spiritual infants. Comme enfants spirituels. In the flesh. Dans la chair. You see that? Vous voyez ça? So they have come from out. Alors elles viennent depuis l'extérieur. Did not grow in the spirit of the Lord. Elles ne croissent pas dans l'Esprit du Seigneur and were essentially not transformed. Et étaient essentiellement non transformées. No wonder, pas étonnant, in verse 11 of Matthew 25, dans le verset 11 de Matthieu 25, the Lord tells them, later the others also came, le Seigneur leur dit, plus tard les autres vierges vinrent aussi, they said, Seigneur, Seigneur, dirent-elles, open the door for us. Ouvre la porte pour nous. But he replied, mais il a répondu, I tell you the truth, I do not know you. Je vous dis la vérité, je ne vous connais pas. How can the Lord say he does not know them? Comment est-ce que le Seigneur peut dire qu'il ne les connaît pas? What is the message he's giving to you today? Quel est le message qu'il vous donne aujourd'hui? He's saying that if you continue operating, il est en train de dire que si vous continuez de fonctionner in spiritual childhood, dans une manière spirituelle, enfin infantile, spiritual infancy, une enfance spirituelle, with the basic level of the anointing of the Holy Spirit, avec le niveau de base d'onction du Saint-Esprit, without receiving more, sans recevoir plus, then the spiritual transformation, alors la transformation spirituelle that is supposed to have taken place as you walk with that lamp, qui est supposé prendre place alors que vous marchez avec cette lampe, in the waiting process in the darkness, dans le procédé d'attente dans les ténèbres, the spiritual transformation, la transformation spirituelle, will not take place in you, ne prendra pas place en vous. So essentially, alors essentiellement, you will not be wearing, vous ne porterez pas the identity of Christ. L'identité de Christ. No wonder he cannot recognize you at the gate, at the door. Pas étonnant qu'il ne vous reconnaisse pas à la porte. He can be able to boldly tell you, to tell you the truth, I do not know you. Il peut être capable de vous dire hardiment, je vous dis la vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Alléluia. So that comes out of failure. Ça vient en dehors de faille. To go through spiritual transformation. d'aller à travers une transformation spirituelle. And spiritual transformation et une transformation spirituelle can only take place through the authority and the anointing of the Holy Spirit. Peut seulement prendre place sous l'autorité et l'onction du Saint-Esprit. But even the foolish virgins, mais même les vierges folles are operating under the Holy Spirit. Sont en train de fonctionner sous le Saint-Esprit. Isn't that the mystery now? Est-ce que ça n'est pas un mystère là? That means ça signifie spiritual transformation, une transformation spirituelle requires requiert an added level of the anointing of the Holy Spirit. Une addition au niveau d'onction du Saint-Esprit. Because there are certain decisions, parce qu'il y a certaines décisions that the bride of Christ has to make, que l'épouse de Christ a à faire, that have to be far removed from the physical decisions of the world, qui doivent être très éloignées des décisions physiques du monde. There are certain changes. Il y a certains changements in this spiritual transformation, dans cette transformation spirituelle, that the perfect bride of Christ, que l'épouse parfaite de Christ, has to go through, a à traverser decisions, des décisions that may be unpopular to the flesh, qui peuvent être impopulaires à la chair, that may not make sense to the physical realm, hallelujah, qui peut ne pas avoir un sens dans le domaine physique, alléluia, that requires that she transitions into the spiritual realm. Ça requiert qu'elle passe dans le domaine spirituel. That means she needs to move to the next level of the anointing of the Holy Spirit. Ça signifie qu'elle a besoin de passer un autre niveau de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. That's why that minimal level, c'est pourquoi ce niveau minimum yields infancy, donne l'enfantillage, spiritual childhood, l'enfance spirituelle, which is actually, qui est actuellement hazardous, toxic, to the five foolish virgins, dangereux, toxique pour les cinq vierges folles, to the church we are seeing today in the world, pour l'église que nous voyons aujourd'hui dans le monde, the infant church where women can walk in with a minister, l'église infantile où les femmes peuvent marcher avec des mini-jupes, without even asking and saying, just a moment, sans même se demander si, voyons juste un moment, if the other religions, si les autres religions cannot do this, ne peuvent pas faire ça, how about I that serves the Holy One of Israel, comment à propos de moi qui sers le Saint d'Israël, the one and only true God, le un et seul vrai Dieu, how can I even put on like this, comment je peux me mettre comme ça? You see that? Vous voyez ça? But listen, something else here, somebody. Alors, écoutez, quelque chose d'autre ici. This spiritual childhood, cette enfance spirituelle, that the five foolish virgins were in, dont les cinq vierges folles sont vêtues, is also toxic. C'est aussi toxique. Is also hazardous and dangerous. C'est aussi hasardeux et dangereux to the other Christians around her. Pour les autres chrétiens autour d'elle. You see that? Vous voyez ça? Are you seeing that, somebody? Est-ce que vous êtes en train de voir ça, vous qui écoutez? Why am I saying so? Pourquoi je suis en train de dire ça? Because parce que at the time when everybody is trimming their lamps, au moment où chacun est en train de préparer sa lampe, alléluia, alléluia, because the midnight hour is here, parce que l'heure de minuit est ici, you know, every day, vous savez, chaque jour, that when you are burning a lamp, quand vous faites brûler une lampe, and the oil becomes exhausted, et qu'il commence à plus y avoir d'huile, in that midnight hour, dans cette heure de minuit, if you don't have the midnight oil to begin to burn, si vous n'avez pas l'huile de minuit pour commencer à brûler, alléluia, alléluia, then you start burning the wick, alors vous commencez à brûler la mèche. Do you hear me, somebody? Est-ce que vous m'entendez? And then it becomes sooty, begins to give smoke. People begin to cough in that room. Et ça devient plein de suie et les gens commencent à tousser dans cette chambre. Alléluia. Alléluia. That means the quality of the light that the lamps of the five foolish virgins were giving. Ça signifie que la qualité du feu des lampes de ces cinq vierges folles était en train de donner. In that peak season, peak time, dans ce temps important, when performance is a key factor, quand la performance est un facteur clé, becomes compromised, elles deviennent compromises. The flame they have, la flamme qu'elles avaient, will be mixed with dark, with smoke now, soot, va être mélangée des ténèbres à de la fumée. And many people nearby will cough. Et beaucoup de gens qui sont prêts vont commencer à tousser. Become toxic. Ça va devenir toxique. Pollute people. Des gens qui polluent. Alléluia. Alléluia. And that's what you see in the church today. C'est ce que vous voyez dans l'église maintenant. That's why they say, ah, don't worry. C'est pourquoi ils disent, mais il ne faut pas vous en faire. The Lord does not look at your dressing, he looks at your heart. Le Seigneur ne regarde pas à vos habits, il regarde à votre cœur. That's why they can be able to go into a very dangerous bandwagon. Alors ils peuvent être capables d'entrer dans un train dangereux. A dangerous caravan. Une caravane dangereuse. They can all jump on a dangerous horse. Ils peuvent tous sauter sur un cheval dangereux. Thinking that the Lord will not hold them accountable. Pensant que le Seigneur ne va pas en tenir compte. To Matthew chapter 5. Dans Matthieu chapitre 5. Verses 27 on. Versets 27 et suivants. When he says, whoever looks at a woman, où il dit, si quelqu'un regarde une femme, and lusts at her, pour la convoiter, has already committed adultery with her, a déjà commis adultère avec elle. Do you hear that, somebody? Vous entendez ça, vous qui écoutez? So they begin to write off the scripture, they say, ah, don't worry. Alors ils commencent à annuler cette écriture et dire, oh, mais il ne faut pas vous en faire. The Lord, he looks at your heart, not your dressing. Le Seigneur regarde à votre cœur, pas à votre habillement. And yet we know very well that the Lord will hold them accountable. Et alors nous savons maintenant que le Seigneur va en tenir compte. Somebody, do you hear me here? Et est-ce que vous m'entendez ici? That is what I mean. C'est ce que je pense. By the toxic nature. Par la nature toxique. The dangerousness. La dangerosité of the light of the spiritual childhood, de la lumière de l'enfance spirituelle, of the five foolish virgins, des cinq vierges folles, that did not have the anointing oil, qui n'ont pas l'huile d'onction, at the peak season, au moment très important, that now the smoke they emit, maintenant, elles émettent de la fumée. The light they emit is mixed with darkness. La lumière qu'elles émettent est mélangée à des ténèbres. It is sooty, it is smoky. Noir de suie, c'est enfumé. When you enter that room, many people ask, wow, is there no light in this room? Quand vous entrez dans cette chambre, les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de lumière dans cette chambre? No, but there is light. We have lit the candle. Non, mais il y a de la lumière. On a allumé la bougie. How come it's so dark? What's happening with this candle today? Comment est-ce que ça peut être si sombre? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette bougie aujourd'hui? You see that? Vous voyez ça? Because darkness begins to mix with their light. Parce que les ténèbres sont en train de se mélanger à leur lumière. So they don't reflect the true light and life of Christ. Alors elles ne reflètent pas la vraie lumière et la vraie vie de Christ. And yet, that is the most critical time. Et ça, c'est le moment le plus critiqué, le plus critique. When they have to give the mirror image of Christ. Quand elles ont à émettre l'image miroir de Christ. That is when there is so much evil on earth. C'est pourquoi il y a tellement de mal dans le monde. That is when the midnight storms are coming now. Ça, c'est quand la tempête de minuit va arriver. Alléluia. Alléluia. And they need to perform. Elles ont besoin de se performer. Let me bring you to another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. Spiritual infancy and childhood. L'enfance spirituelle et l'enfantillage. Which is typified, characterized. Qui est caractérisé. By the five foolish virgins. Par les cinq vierges folles. Also creates what we call immunity to the gospel. Crée aussi ce qu'on peut appeler l'immunité à l'évangile. I want to bring you now even deeper. Et je vais vous amener maintenant même plus profondément. These are the people that are so immune to the gospel that they will say things like. Ce sont les gens qui sont tellement immunisés à l'évangile qu'ils veulent dire des choses comme. Don't worry, just put on that miniskirt. The Lord he does not look at your physical dressing. Ne t'en fais pas, mais seulement cette mini-jupe. Le Seigneur ne regarde pas au physique, à l'habillement physique. He looks at your heart. Il regarde à ton cœur. Don't worry, you can just fall in sin and come back. Ne t'en fais pas, tu peux continuer dans le péché et revenir. Because once the Lord died for you, there's so much grace. Parce que puisque le Seigneur est mort pour toi, il y a tellement de grâce. There's so much love. Il y a tellement d'amour. There's so much peace. Tellement de paix. There's so much healing. Tellement de guérison. Without knowing that Romans chapter 6. Sans savoir que Romains chapitre 6. Paul asks. Paul demande. Should we continue in sin? Est-ce qu'on devrait continuer dans le péché? Should we just continue sinning? Est-ce qu'on devrait continuer à pécher? So the grace may increase. Parce que la grâce est encore plus grande. And the answer is absolutely not. Et la réponse est absolument non. You see that? Vous voyez ça? Let me bring it to another level, somebody. Laissez-moi vous amener à un autre niveau, vous qui écoutez. We know that the weak. Nous savons que la mèche. The Kitambi in the local Swahili of this nation of Kenya. The Kitambi dans la traduction locale du Swahili au Kenya. The wick that is burning, that is sucking the oil. La mèche qui brûle et qui s'imbibe d'huile. From where the oil is. De où l'huile est. And giving the flame is your heart. Et qui donne la flamme, c'est votre cœur. Alléluia. Alléluia. And we know that when the wick. Et nous savons que quand la mèche. Has been shredded, they are thinner. A été coupée. Elles sont plus fines. Alléluia. Alléluia. It burns better. Ça brûle mieux. Than a wick which is a whole stump of stock. Qu'une mèche qui est un plein chicot de mèche. Of stock. You see that? Vous voyez ça? That means when Jesus was crucified. Ça signifie que quand Jésus était crucifié. He essentially crucified the heart of the church. Il a essentiellement crucifié le cœur de l'Église. You see that? Vous voyez ça? It is the heart that Jesus ever died for. There is nothing else he died for. C'est le cœur pour lequel Jésus est mort. Il n'est pas mort pour autre chose que pour ça. He died for your heart. Il est mort pour votre cœur. So when he crucified the church, alors quand il a crucifié l'Église, on the cross at Calvary on that day, sur la croix au calvaire dans ce jour, essentially, he crucified the heart, the sinful desires of the heart. Essentiellement, il a crucifié le cœur, les désirs pécheurs du cœur. Alléluia. Alléluia. So the heart was shredded into a kitambi, a wick. Alors le cœur a été mis en pièces, en une mèche. The more shredded, the better. Plus on est mis en pièces, mieux ça vaut. And when the shredded wick touches oil. Et quand la mèche mise en pièces touche son huile, it has a higher efficiency. Elle a eu plus de capacité d'efficience of sucking the oil. Pour se remplir d'huile. Let's talk these things today, right? Parlons de ça aujourd'hui, d'accord? And when you light it up first, quand vous l'allumez pour la première fois, It will give a huge flame. Ça vous donnera une grande flamme. That is not very efficient. Qui n'est pas très efficace. And then later the quality of the flame will improve. Et plus tard, la qualité de la flamme va s'améliorer. And give a brighter flame. Et donner une flamme plus claire. Right? D'accord? Are we together, somebody? Est-ce qu'on est ensemble, vous qui écoutez? Now, this week, maintenant, cette mèche is supposed to be tapping and filled with the Holy Spirit. Est supposée être immergée et remplie du Saint-Esprit and burning from our hearts outward. Et brûlée de nos cœurs dehors. And that's why the Lord says, c'est pourquoi le Seigneur dit, it is very dangerous, c'est très dangereux, for us to remain in spiritual childhood, pour nous de rester des enfants spirituels, not to grow in the efficiency of the light that we give, ne pas grandir dans l'efficacité de l'huile que nous donnons, the life of Christ we show, la vie de Christ que nous montrons. You see what I'm talking about here, somebody? Vous voyez de quoi je suis en train de parler? It may impair other people, may damage other people. Ça peut impliquer d'autres personnes, leur porter dommage à d'autres personnes. You see that? Vous voyez ça? Let us look at the life of many, many servants here. The life of David. Regardons à des vies de beaucoup, beaucoup de gens, comme la vie de David. When David, the servant of the Lord, fell to sexual sin. Quand David, le serviteur du Seigneur, est tombé dans un péché sexuel, what did David cry out to the Lord during restoration? Qu'est-ce que David a crié au Seigneur pendant la restauration? He said, Lord, create in me a new heart. Il a dit, Seigneur, crée en moi un nouveau cœur. Alléluia. Alléluia. Because he knew that the infected heart, parce qu'il savait qu'un cœur infecté, that he was having, which was infected sexual sin, qu'il était en train d'avoir quand il était infecté par un péché sexuel, would become detrimental, counterproductive, va devenir préjudiciable, contre-productif, would become toxic, il va devenir toxique, would become infectious, il va devenir contagieux, would contaminate, become defiling, sera en train de contaminer, qui deviendra souillé, to the hearts of the people that were his subjects and around him, pour les cœurs de ceux qui lui sont assujettis et autour de lui. So he cried out for a new heart. Alors il a crié pour un nouveau cœur. That is the immunity to the gospel that becomes too dangerous. C'est l'immunité de l'évangile qui devient trop dangereux to the church, pour à l'église, which is actually self-suicidal to the church, qui actuellement se suicide elle-même pour l'église, because she cannot enter, parce qu'elle ne peut pas entrer. The Bible says only a perfect and holy bride will enter, parce qu'elle ne peut pas entrer. La Bible dit seule l'épouse parfaite et sainte va être capable d'entrer. A mature bride. Et une épouse mature. And yet we see that this minimum level of anointing, alors nous voyons que ce niveau minimum d'onction brings spiritual childhood, apporte une enfance spirituelle. Therefore, stunted growth. Ils font du surplace. Some strange comfort takes place between flesh and Christian walk. Quelques confortable confort charnel prend place dans la marche chrétienne. In the church. Dans l'église. So the Christians become comfortable with sin. Alors les chrétiens deviennent confortables avec le péché. Alléluia. Alléluia. No wonder Paul went back to Galatia. Pas étonnant, Paul est retourné en Galatie. And he asked the Galatians. Et il a demandé aux Galates. Who has bewitched you? Qui vous a fasciné? Ever since you received the Lord, même depuis que vous avez reçu le Seigneur, haven't you received the Holy Spirit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? And they said, we've not even heard that there is the Holy Spirit. Et ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il existait un Saint-Esprit. How can that be possible when they needed the minimum level to recognize Jesus is Lord? Comment est-ce que c'est possible quand ils avaient besoin d'un niveau minimum pour reconnaître que Jésus était le Seigneur? And giving their hearts become Christians. Et lui donner leur cœur pour devenir chrétien. We miss there the minimum level of the Holy Spirit. Nous avons manqué le niveau minimum du Saint-Esprit. Even to give their lives to the Lord. Même de donner leur vie au Seigneur. Essentially, Paul was conversationing with them. Essentiellement, Paul était en train de converser avec eux. About the added levels of anointing of the Holy Spirit. À propos du niveau le plus dur du Saint-Esprit. Which they needed to grow into maturity. Dont ils avaient besoin pour grandir jusqu'à maturité. Into full stature. Dans la pleine stature. Telos in Greek. Telos en grec. Telos, height, high, stature, mature. Telos, hauteur, haut, stature, mature. So they can enter the kingdom of God. Donc, ils peuvent entrer dans le royaume de Dieu. The same thing to the church today. La même chose pour l'Église aujourd'hui. I could essentially ask the church today the same question. Je peux essentiellement poser la même question à l'Église aujourd'hui. What is wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Where have you remained infants for a long time? Pourquoi êtes-vous resté dans l'enfance pour tellement de temps? Haven't you heard that there is the Holy Spirit? Avez-vous entendu qu'il y avait un Saint-Esprit? Haven't you heard that there is increased the added latter anointing of the Holy Spirit? N'avez-vous pas entendu qu'il faut augmenter, qu'il faut ajouter à la dernière onction du Saint-Esprit? That would be poured out unto all flesh? Qui va être déversé sur toute flèche, toute chair? That would redeem you from spiritual childhood? Qui va vous racheter de l'enfance spirituelle? So you may mature into the full stature? Alors vous pouvez devenir mature, être dans la pleine stature. So you may inherit the kingdom of God for which you became a Christian in the first place. Alors vous pouvez hériter le royaume de Dieu, et c'est pour ça que vous êtes devenu un chrétien à la première place. Alléluia. Alléluia. This is absolutely amazing today. C'est absolument étonnant aujourd'hui. But listen to me, somebody. Alors écoutez-moi. The Lord talks about the toxicity. Le Seigneur parle à propos de la toxicité, the danger, du danger that is imminent and resident and present, qui est émis et qui réside et qui est présent within the basic level of the anointing that the foolish virgins were operating under. Dans le niveau de base de l'onction avec lequel les vierges folles étaient en train de fonctionner en dessous. The anointing that would definitely cause them, qui va définitivement leur causer, not to enter the rapture, de ne pas être enlevés, but to be ushered into the tribulation. Look at that, somebody. D'être restés pour la tribulation. It means they missed the rapture. Ce qui signifie qu'elles ont manqué l'enlèvement. And I told you here, and the door was shut. Et je vous dis ici, et la porte était fermée. You see that? Vous voyez ça? Let's look at the book of Revelation chapter 3. Regardons le livre de l'Apocalypse chapitre 3. Verses 15. Le verset 15. To 18 to look at the toxicity. Jusqu'à 18 pour regarder à la toxicité. The dangerousness. Le danger. Of this basic level of anointing under which the foolish virgins operated. De ce niveau de base d'onction en dessous duquel les vierges folles fonctionnaient. What an amazing revelation to the church. Quelle grande révélation pour l'Église. Revelation chapter 3. L'Apocalypse chapitre 3. Verses 15. Revelation chapter 3. Verset 15. Apocalypse chapitre 3. Verses 15 to 18. Verset 15 à 18. Alléluia. Alléluia. It is toxic to operate in that level. C'est toxique de fonctionner à ce niveau. Listen to what it says. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. I wish you were either